David Herbert Lawrence, L'ombre dans la roseraie. Un jeune homme de petite taille était assis à la fenêtre au rez-de-chaussée d'une jolie villa au bord de la mer. Il essayait de se faire croire à lui-même qu'il était en train de lire le journal. Il était à peu près 8h30 du matin. Au dehors, les roses triomphales étincelaient dans le soleil matinal comme de petits godets de feu inclinés. Le jeune homme regarda la table, puis l'horloge, puis sa grosse montre d'argent. Sa figure prit une expression de patience un peu forcée. Il se leva et examina les peintures à l'huile qui ornaient les murs de la chambre, s'arrêtant avec une attention particulière, mais hostile, devant le cerf aux abois. Il essaya d'ouvrir le piano et le trouva fermé. Il aperçut sa figure dans une petite glace, tira sur sa moustache brune et un vif intérêt germa dans ses yeux. Il n'était pas mal. Il continua à tortiller sa moustache. Petit, mais bien pris et vigoureux. Il se détourna du miroir, avec une teinte d'attendrissement sur lui-même après cet examen de sa physionomie. Avec un peu d'oppression, il descendit au jardin. Pourtant, sa jaquette n'était pas déformée. Elle était neuve et enveloppait un corps plein de confiance, d'un air d'élégance et de confort. Il regarda l'arbre céleste fleuri sur la pelouse, puis flâna jusqu'au massif proche. Il s'arrêta devant un pommier couvert de fruits bruns et rouges, avec une expression plus intéressée. Après un regard circulaire, il cueillit une pomme et, tournant le dos à la maison, y mordit une bouchée. Le fruit était doux, il en fut surpris. Il en cueillit une autre, puis il se retourna vers les fenêtres de la chambre à coucher, donnant sur le jardin. Il sursauta en apercevant une silhouette de femme. C'était la sienne. Elle regardait au-dessus de lui, vers la mer, et semblait ne pas le voir. Il resta un instant à l'épier. C'était une assez jolie femme, qui semblait un peu plus âgée que lui, plutôt pâle, mais d'aspect sain. Ses cheveux châtains, un peu acajou, épais et lustrés, descendaient en vagues sur son front. Elle semblait très loin de lui et de tout ce qui l'entourait, et contemplait la mer au loin. Son mari, agacé de la voir ainsi distraite et absorbée, ramassa des têtes de pavot et les jeta à la fenêtre. Elle sursauta, lui lança un sourire égaré et reprit sa contemplation. Mais, presque immédiatement, elle quitta la fenêtre. Il vint à sa rencontre. Elle avait une belle allure, fière, et portait une robe de fine mousseline blanche. « Il y a longtemps que j'attends, » dit-il. « Moi ou le déjeuner ?» dit-elle légèrement. « Vous savez que nous avions dit 9h. Je pensais que vous auriez dormi tard après le voyage. « Vous savez que je me réveille toujours à 5h et je ne peux pas rester au lit après 6h. Autant être au fond d'un puits de mine que dans son lit par une telle matinée. Je n'aurais pas pensé que la mine vous suivrait jusqu'ici. » Elle fit le tour de la pièce, examinant les objets sous leur globe de verre. Lui, planté sur le tapis du foyer, la regardait un peu gênée, indulgent, mais à contre-cœur. Elle haussa les épaules devant le mobilier. « Venez, » dit-elle en lui prenant le bras, « allons dans le jardin en attendant que Mrs. Coates apporte le plateau. » « J'espère qu'elle ne tardera pas, » dit-il en tirant sa moustache. Elle eut un rire bref et s'appuya sur son bras. Il avait allumé sa pipe. Mrs. Coates entra dans la pièce comme il descendait les marches. La charmante vieille dame alla vivement à la fenêtre pour voir ses hôtes. Ses yeux bleu porcelaine brillaient en regardant le jeune couple qui descendait le sentier. Le jeune homme, marchant d'un pas égal, assuré, sa femme à son bras. L'hôtesse se mit à se parler à elle-même, avec son doux accent du Yorkshire. Ils sont juste de la même taille. Elle n'aurait pas épousé un homme plus petit qu'elle. Quoique de toute façon, il ne soit pas son égal. Sa petite fille entra à ce moment et posa un plateau sur la table. Puis elle s'approcha de sa grand-mère. « Il a mangé des pommes, grand-mère. »« Vraiment, ma chérie? Eh bien, pourquoi pas, si ça lui fait plaisir. » Au dehors, l'heureux jeune homme guettait impatiemment le tintement des tasses. Enfin, avec un soupir de satisfaction de sa part, ils entrèrent déjeuner. Après avoir mangé un bon moment en silence, il s'arrêta et dit « Trouvez-vous qu'ici ce soit plus beau qu'à Budlington ?»« Je crois bien, » dit-elle, « et puis je suis chez moi ici, ce n'est pas comme une plage étrangère. » « Combien de temps avez-vous habité ici ?»« 2 ans. » Il mangeait pensivement. « J'aurais pensé que vous préféreriez un nouvel endroit, » dit-il à la fin. « Pourquoi ? » dit-elle. « Pensez-vous que je ne serais pas contente ici ?» Il rit tranquillement, en étalant une épaisse couche de marmelade sur son pain. « J'espère que si, » dit-il. Elle reprit son air d'être ailleurs. « Mais ne parlez pas de tout cela dans le village, Franck, » dit-elle d'un ton différent. « Ne dites pas qui je suis, ni que j'ai déjà habité ici. Je ne désire voir personne, et nous ne serions jamais tranquilles si on me reconnaissait. « Pourquoi avez-vous voulu venir, alors ?»« Pourquoi ? Vous ne comprenez pas pourquoi. »« Non, puisque vous ne voulez voir personne. » « Je suis venue pour le pays, pas pour les gens. » Il se tut. « Les femmes, dit-elle, ne sont pas comme vous. Je désirais venir, mais je ne sais pas pourquoi. » Avec sollicitude, elle lui versa une tasse de café. « Enfin, résuma-t-elle, ne parlez pas de moi dans le village. » Elle eut un petit rire grelottant. « Je ne veux pas qu'on me rappelle le passé. » Du bout des doigts, elle enlevait les miettes de pain sur la nappe. Il ne la quittait pas des yeux en buvant son café. Il suça sa moustache et, en posant sa tasse, dit flegmatiquement « Je parierai que vous en avez un fameux de passé. » D'un air un peu confus, qui le flatta, elle baissa les yeux sur la nappe. « Eh bien, » dit-elle négligemment, « en tout cas, vous ne m'abandonneriez pas, n'est-ce pas ?»« Non, » dit-il, réconforté, en riant, « je ne vous abandonnerai pas. » Il était content. Elle resta silencieuse un long moment, puis releva la tête en disant « J'ai des arrangements à prendre avec Mrs. Coates et plusieurs petites choses à faire. Vous feriez mieux d'aller vous promener tout seul ce matin. Nous nous retrouverons à 1 heure pour déjeuner. » « Mais vous n'avez pas affaire avec Mrs. Coates toute la matinée. J'ai aussi des lettres à écrire, et il faut que j'enlève cette tâche sur ma robe. J'ai des tas de petites choses à faire ce matin. Il vaut mieux que vous vous en alliez sans moi. » Il comprit qu'elle désirait se débarrasser de lui. Quand elle monta dans sa chambre, il prit son chapeau et alla errer sur les falaises dans une colère soutenue. Aussitôt, elle fut dehors. Elle avait mis un chapeau avec des roses et posé une longue écharpe de dentelle sur sa robe blanche. Elle ouvrit nerveusement son ombrelle et masqua sa figure sous son ombre teintée. Elle suivit l'étroite piste d'allée, pesamment enfoncée par les pieds des pêcheurs. Elle semblait vouloir éviter les regards des voisins, abritée dans la niche étroite de son ombrelle. Elle dépassa l'église et descendit le sentier jusqu'au mur élevé qui le bordait. Là, elle ralentit le pas, puis s'arrêta devant une porte ouverte qui brillait comme un écran lumineux dans le mur sombre. Cela faisait comme une lanterne magique où l'on voyait une cour ensoleillée, pavée de galets bleus et blancs, où s'inscrivaient des motifs d'ombre. Plus loin, luisait une pelouse verte et un laurier étincelé de toutes ses pointes. Elle entra dans la cour d'un pas inquiet et léger, avec des coups d'œil rapides vers la maison qu'on apercevait dans l'ombre. Les fenêtres sans rideaux étaient noires et sans âme. La porte de la cuisine était ouverte. Haletante, elle avança d'un pas, puis d'un autre, penchée vers le jardin du fond qu'elle dévorait d'un regard passionné. Elle était presque arrivée au coin de la maison. Un pas lourd fit craquer les brindilles sous les arbres. Un jardinier apparut. Il tenait un plateau d'osier où roulaient de grosses groseilles à maquereaux, trop mûres, rouges sombres. Il avançait lentement. « Le jardin n'est pas ouvert aujourd'hui, » dit-il poliment à cette jolie femme qui semblait hésiter à se retirer. Un instant, elle resta muette de surprise. Comment était-ce devenu public ? « Quand est-ce ouvert ? » demanda-t-elle vivement. « Le recteur permet qu'on visite le mardi et le vendredi. » Elle resta immobile à réfléchir. Comme c'était étrange de penser que le recteur ouvrait son jardin au public. « Mais tout le monde doit être à l'église ? » dit-elle d'un ton presque caressant. « Il ne doit y avoir personne, n'est-ce pas ? » Il fit un mouvement. Et les gros fruits roulèrent. Le recteur habite le nouveau presbytère, dit-il. Ils restèrent muets un moment, sans bouger. Cela ennuyait l'homme de lui dire de s'en aller. À la fin, elle se retourna vers lui avec un sourire victorieux. Est-ce que je ne pourrais pas jeter un coup d'œil sur les roses ? Supplia-t-elle, gentiment entêtée. « Je pense que ça n'a pas d'importance, » dit l'homme en repartant. « Vous ne resterez pas longtemps. » Elle s'élança, oubliant le jardinier à la seconde. Ses traits se tendirent, ses mouvements devinrent plus vifs. Regardant autour d'elle, elle vit que toutes les fenêtres étaient aveugles, sans rideaux. La maison avait quelque chose de stérile, comme si elle était utilisée, mais pas habitée. Une ombre descendit sur elle. Elle se dirigea vers le jardin par la pelouse, passant sous une arche de crimson rambler, porte vermeille. Là-bas s'étendait la mer, azurée dans la baie, au large, encore vaporeuse d'aube. Son visage devint éblouissant, transfigurée de joie et d'angoisse. À ses pieds, le jardin dévalait rapidement, un vrai fouillis de fleurs. Lentement, elle prit l'un des sentiers, d'un pas alourdi, devant tout ce passé qui revenait à elle. Elle se prit à caresser de lourdes roses rouges, douces comme un velours, d'une touche distraite, inconsciente, comme une mère qui caresse la main de son enfant. Puis elle recommença sa lente promenade, absorbée. Elle s'arrêta devant une rose sans parfum, couleur de flamme. Elle la regardait fixement, comme quelque chose d'incompréhensible. Devant un petit tas croulant de pétales roses, l'ancienne douceur poignante s'empara d'elle. Puis elle rêva sur une rose blanche, verdâtre au centre comme de la glace. Pathétique, elle flottait le long de la pente, comme un papillon blanc au vol titubant. Elle déboucha sur une petite terrasse pleine de roses. Elle se répandait partout, comme une foule joyeuse. Elle se hâta vers un petit banc entouré de roses blanches et s'assit. Son ombrelle rouge faisait une tache dure. Elle restait absolument immobile et sentait s'échapper le sentiment de son existence. Elle n'était plus qu'une rose, un bouton qui n'arrivait pas à s'épanouir tout à fait, mais demeurait gonflé. Un moucheron tomba sur son genou, sur sa robe blanche. Elle le regarda sans y toucher, comme s'il était tombé sur une rose. Elle n'était plus elle-même. Alors, une ombre qui l'atteignait la fit sursauter douloureusement et une silhouette surgit devant elle. C'était un homme qui était venu en espadrille, sans bruit. Il portait une veste de toile. La splendeur matinale se déchira d'un coup, le charme s'évanouit. Il n'y avait plus que la peur d'être questionné. Il approchait. Elle se leva. Alors elle le vit, la force l'abandonna et elle se laissa tomber sur le banc. C'était un jeune homme de tournure militaire qui commençait à s'épaissir. Ses cheveux noirs étaient soigneusement lissés, sa moustache cirée. Mais il y avait quelque chose de décousu dans son allure. Elle leva la tête, pâlissant jusqu'aux lèvres, et vit ses yeux. Ils étaient noirs, immobiles, sans regard. Ce n'étaient pas des yeux humains. Il venait vers elle. Il la regarda fixement, fit un salut machinal et s'assit près d'elle sur le banc. Il s'installa, croisant ses pieds, et dit d'un ton courtois « Je ne vous dérange pas, j'espère. » Elle restait muette, désespérée. Il était très correctement habillé d'un pantalon sombre et d'une veste de toile. Elle n'aurait pu faire un mouvement. Hébétée, elle regardait ses mains avec, au petit doigt, la bague bien connue. Le monde s'écroulait. Ses mains, ses sacrements d'ardente passion, la remplissaient d'horreur maintenant, posées sur des cuisses épaisses. « Puis-je fumer ? » demanda-t-il presque confidentiellement, portant la main à sa poche. Elle ne put répondre, mais cela ne faisait rien. Il était dans un autre univers. Elle se demandait dans une torture s'il la reconnaissait, s'il pouvait la reconnaître. Elle était pâle d'angoisse, mais elle voulait savoir. « Je n'ai plus de tabac, » dit-il pensivement. Mais elle n'écoutait pas ses paroles. Elle n'était attentive qu'à lui-même. La reconnaissait-il ou tout était-il fini? Elle restait immobile, glacée de doute. « Je fume du John Cotton, » dit-il, « et je dois l'économiser, il est très cher. Vous savez, je dois faire attention à mes dépenses tant que ce procès n'est pas fini. » « Ah oui, » dit-elle, et son cœur était froid, son âme tendue d'angoisse. Il bougea, fit un salut vague, se leva et s'éloigna. Elle resta sans mouvement. Elle voyait décroître sa silhouette, cette forme qu'elle avait aimée de toute sa passion, cette physionomie si fière, cette élégante allure, maintenant toute détendue. Et ce n'était plus lui. Cela la remplissait d'une horreur impossible à dire. Tout d'un coup, il revint, la main dans la poche de sa veste. « Cela ne vous fait rien si je fume ? » dit-il. « Peut-être que je verrai les choses plus clairement. » Il se rassit à côté d'elle et bourra sa pipe. Elle regardait ses mains aux doigts fins et vigoureux. Elles avaient toujours eu un très léger tremblement. Dans le temps, cela l'avait surprise chez un homme si bien portant. Maintenant, il les remuait gauchement et le tabac pendait en lambeaux hors du fourneau de la pipe. « Je dois m'occuper de ces affaires de loi. C'est toujours difficile. J'ai dit à mon avocat ce que je voulais exactement, mais je ne puis rien en obtenir. » Elle l'écoutait parler, mais ce n'était pas lui. Et pourtant, voilà les mains qu'elle avait baisées, les rayonnants yeux noirs qu'elle avait adorés. Elle restait écrasée de silence et d'horreur. Il laissa tomber sa blague à tabac et se mit à tâtonner par terre pour la retrouver. Cependant, elle voulait attendre encore, s'il allait la reconnaître. Pourquoi ne pouvait-elle pas s'en aller? Tout à coup, il fut debout. « Je dois m'en aller tout de suite, » dit-il. « Voilà le hibou qui vient. » Puis il ajouta confidentiellement, « Ce n'est pas son vrai nom, mais je l'appelle comme ça. Je vais voir s'il arrive. » Elle se leva aussi. Il resta devant elle, comme hésitant. C'était un beau garçon athlétique et un fou. Ses yeux à elle le poursuivaient, le fouillaient, épiant en lui le moindre signe d'un souvenir. Et elle-même, dans l'angoisse, cherchait à le retrouver. « Vous ne me reconnaissez pas ? » demanda-t-elle, du fond de la terreur de son âme dépouillée. Il la regarda d'un air farceur. Elle dut subir ses yeux. Ils brillaient, mais d'une flamme morte. Il se rapprochait d'elle. « Oui, je vous connais, » dit-il, l'œil fixe, appliqué, mais dément, approchant son visage du sien. L'horreur l'accabla. Ce fou vigoureux était trop près d'elle. Un homme arriva en courant. « Le jardin n'est pas ouvert ce matin, » dit-il. L'aliéné s'arrêta et le regarda. Le gardien vint au banc et ramassa la blague oubliée là. « N'oubliez pas votre tabac, monsieur, » dit-il au personnage en veste de toile. « J'étais en train de demander à cette dame de rester à déjeuner, » dit celui-ci d'un ton poli. « C'est une amie. » La femme s'enfuit d'un pas rapide, sans rien voir, entre les roses et le soleil. Elle sortit du jardin, dépassa la maison aux fenêtres aveugles, traversa la cour d'allée de galets et gagna la rue. Sans hésiter, elle fonçait en avant, ne sachant où elle allait. Sitôt à la villa, elle monta au premier étage, enleva son chapeau et s'assit sur le lit. C'était comme une membrane en elle qui se serait déchirée en deux, et il lui semblait avoir cessé d'exister en tant qu'être sensible et pensant. Au bout d'un moment, elle entendit le pas lourd de son mari dans la pièce du bas, et, sans changer d'attitude, elle épia ses faits et gestes. Elle l'entendit ressortir d'un pas découragé, puis le son de sa voix, questionneuse d'abord, puis joyeuse, et ses pas solides qui s'approchaient. Il entra à la mine vermeille, enchanté, une satisfaction répandue sur toute sa personne alerte et vigoureuse. Elle fit un geste rapide. Il perdit contenance en l'approchant. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-il avec une nuance d'impatience dans la voix. « Vous ne vous sentez pas bien. » Ce fut un supplice pour elle. « Pas très bien, non, » répondit-elle. Une surprise irritée monta dans les yeux bruns de l'homme. Il répéta « Qu'y a-t-il ? » « Rien. » Il fit quelques pas, puis s'arrêta comme buté, regardant par la fenêtre. « Vous avez rencontré quelqu'un ? » demanda-t-il. « Personne qui me connaisse, » dit-elle. Les mains de l'homme se contractèrent. Il était exaspéré de voir qu'elle ne faisait pas plus attention à lui que s'il n'existait pas. Se retournant enfin vers elle, poussé à bout, il demanda. « Il vous est arrivé quelque chose, n'est-ce pas ?»« Non, pourquoi ? » dit-elle d'un ton neutre. Il n'existait pas pour elle, seulement il l'agaçait comme un moustique. La colère de l'homme monta, remplit les veines de sa gorge. « Ça y ressemble, » dit-il, s'efforçant de cacher sa rage, parce qu'elle lui semblait sans raison. Il s'en alla au rez-de-chaussée. Elle était toujours immobile sur le lit, et il lui restait juste la force de lui en vouloir pour l'avoir tourmentée. Le temps s'écoula. Elle sentit l'odeur du dîner qu'on préparait, la fumée de la pipe de son mari dans le jardin. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle n'avait plus d'existence. Il y eut un tintement de sonnette. Elle l'entendit rentrer. Puis il monta l'escalier. À chaque marche, elle sentait son cœur se rétrécir. Il ouvrit la porte. « Le dîner est servi, » dit-il. C'était difficile d'endurer sa présence. Il venait se mettre en travers de tout. Elle n'arrivait pas à retrouver le sentiment de son existence. Elle se leva, toute raide, et descendit. Elle ne put ni manger ni parler pendant le repas. Elle était ailleurs, déchirée, en pièces, sans plus d'existence propre. D'abord, il essaya de faire comme si de rien n'était. Mais bientôt, il se cantonna dans un silence furieux. Aussitôt qu'elle le put, elle remonta dans sa chambre et ferma la porte à clé. Il fallait qu'elle soit seule. Il alla fumer sa pipe dans le jardin. Toute sa colère contenue contre cette femme qui se croyait supérieure à lui remplissait son cœur d'amertume. Comment ne s'en était-il pas encore aperçu? Mais elle ne l'avait jamais aimé. Il n'avait pas gagné son cœur, elle l'avait supporté tout juste. Quelle humiliation! Il n'était qu'électricien à la mine, elle était au-dessus de lui. Cela, il l'avait toujours reconnu. Mais le sentiment de l'injure et du mépris avait travaillé son âme, parce qu'elle ne le prenait pas au sérieux. Et maintenant, toute sa fureur se levait contre elle. Il retourna dans la maison. Pour la troisième fois, elle l'entendit monter l'escalier. Son cœur battait tranquillement. Il tourna le bouton, poussa la porte, elle était fermée. Il poussa plus fort. Elle sentait battre son cœur, toujours aussi lentement. « Avez-vous fermé le verrou ? » demanda-t-il avec calme, à cause de la propriétaire. « Oui, attendez un instant. » Elle se leva et tira la targette de peur qu'il ne la brise. Elle ressentait de la haine envers lui. Ne pouvait-il la laisser tranquille? Il entra, la pipe entre les dents, et elle reprit sa station sur le lit. Il ferma la porte et resta debout devant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il fermement. Elle était excédée de lui. Elle ne pouvait plus supporter sa vue. « Ne pouvez-vous me laisser tranquille ? » dit-elle en détournant la tête. Il eut vers elle un regard rapide, intense, frémissant d'humiliation. Puis il sembla réfléchir un moment. « Il y a quelque chose qui ne va plus, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » dit-elle, « mais ce n'est pas une raison pour me tourmenter. »« Je ne vous tourmente pas. Qu'est-ce que c'est ?» « Pourquoi vous le dirais-je » cria-t-elle du fond de la haine et du désespoir. Un meuble craqua. Il sursauta et rattrapa sa pipe comme elle allait tomber de sa bouche. Il poussa l'extrémité du tuyau avec sa langue, l'enleva de ses lèvres et la considéra. Il posa sa pipe et épousseta la cendre de son gilet. Puis il leva la tête. « Je veux savoir, » dit-il. Sa figure était blanc grisâtre et grimaçante. Ils évitaient de se regarder. Elle savait que sa colère était allumée maintenant. Son cœur pesait lourd. Elle le haïssait, mais elle se sentait vaincue. Brusquement, elle releva la tête et le regarda en face. « Quel droit avez-vous de savoir ?» Elle le fixait. Elle eut un sursaut d'angoisse à la vue de ses yeux torturés, de cette figure tendue. Mais son cœur se durcit vite. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle n'avait pas pitié de lui. Mais, tout à coup, elle eut un brusque coup de tête comme un animal qui cherche à s'échapper. Il fallait qu'elle se débarrasse de lui. Ce n'était pas tellement lui, mais cette situation dans laquelle elle s'était mise, qui la tenait si affreusement prisonnière. Et, s'étant liée elle-même, c'était d'autant plus dur de se rendre libre. Mais, maintenant, elle haïssait le monde entier et se sentait prête à tout. Il était toujours immobile, le dos à la porte, comme s'il devait rester dans son chemin éternellement, jusqu'à ce qu'elle soit anéantie. « Vous savez que j'ai habité ici, » commença-t-elle d'une voix dure, comme pour le blesser exprès. Il s'arc-bouta en face d'elle et fit un signe de tête. « Eh bien, j'étais chez Miss Birch, à Toril Hall. » Le recteur était un de ses amis, et Archie était le fils du recteur. Il y eut une pause. Il écoutait sans savoir ce qui allait arriver. Il regardait sa femme. Elle était blottie dans sa robe blanche, pliant et dépliant soigneusement l'ourlet de sa jupe. Le son de sa voix était hostile. Il était officier, sous-lieutenant. Puis il se disputa avec son colonel et dut quitter l'armée. Enfin, elle tiraillait sa jupe maintenant. Son mari restait sans mouvement, surveillant ses gestes qui lui remplissaient les veines de rage. Il était follement amoureux de moi, et moi de lui, follement. « Quel âge avait-il ? » demanda le mari. « À quel moment ? Quand je l'ai connu ? Ou quand il est parti? Quand vous l'avez connu? Quand je l'ai connu, il avait 26 ans. Maintenant, il a 31 ans, presque 32, puisque j'en ai 29. Et il n'a pas tout à fait 3 ans de plus que moi. Elle leva les yeux sur le mur d'en face. Et alors? Dit son mari. Elle se raidit et dit durement. Nous avons été fiancés presque 1 an. Personne ne l'a su. Enfin, on en parlait, mais ce n'était pas officiel. Alors il est parti. « Il vous caressait ?» demanda le mari brutalement pour lui rappeler de force son existence. Le cœur de la femme bondit de rage. « Oui, » dit-elle pour augmenter sa colère. Il piétina sur place une seconde avec un « pff » exaspéré. Un silence suivit. Alors, continua-t-elle, le chagrin donnant un timbre moqueur à sa voix, il est parti se battre en Afrique. Et, à peu près à l'époque où je vous ai rencontré, Miss Birch m'a dit qu'il avait eu une insolation, et 2 mois après, on m'a dit qu'il était mort. C'était avant que ça commence avec moi ? Dit le mari. Il n'y eut pas de réponse. Ils restèrent silencieux un moment. Ils n'avaient rien compris. Ses yeux se plissaient laidement. « Alors vous avez été à la recherche de vos vieux souvenirs, » dit-il. « C'est pour ça que vous avez voulu sortir seule ce matin. » Elle continuait à ne pas répondre. Il quitta la porte et alla à la fenêtre. Il était tourné vers le jardin, les mains croisées derrière le dos. Elle regarda de son côté. Les mains lui parurent grossières, la nuque vulgaire. Enfin, presque malgré lui, il se retourna et demanda « Combien de temps ça a-t-il duré entre vous ?»« Que voulez-vous dire ? » répliqua-t-elle froidement. « Je vous demande combien de temps ça a duré entre vous ?» Elle leva la tête, évitant de le regarder. Elle ne voulait pas répondre. Puis elle dit « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je l'ai aimé depuis le premier jour où je l'ai vu, 2 mois après mon arrivée chez Miss Birch. « Et vous croyez que lui vous aimait ?» railla-t-il. « Je le sais. Vous en êtes sûr. En somme, il vous a laissé tomber ?» Il y eut un long silence, bourré de haine et de souffrance. « Et jusqu'où ça a-t-il été entre vous ? » demanda-t-il à la fin, d'une voix blanche. « Je déteste vos questions détournées » cria-t-elle. Hors d'elle d'être ainsi harcelée. Nous nous sommes aimés, nous étions amants, vous entendez? Ça m'est égal ce que vous pensez. Est-ce que cela vous regarde? Nous nous sommes aimés bien avant que je vous connaisse. Aimés, aimés, dit-il blanc de fureur. Vous voulez dire que vous avez pris votre plaisir avec un militaire, et puis quand il est parti, vous m'avez épousé. Elle ne bougeait pas, buvant son amertume. Il y eut une longue pause. « Alors vraiment, vous avez tout fait ensemble ? » demanda-t-il, encore incrédule. « Eh bien, que croyez-vous d'autre ? » cria-t-elle brutalement. Sa figure se contracta et devint blafarde, neutre. Il y eut un long silence paralysé. Il semblait tout diminuer, la tête dans les épaules. « Vous avez oublié de me dire tout ça avant que je vous épouse, » dit-il à la fin, avec une âcre ironie. « Vous ne me l'avez jamais demandé, » répliqua-t-elle. « Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Eh bien, vous auriez dû le penser. » Il restait là, avec une figure vide, obstinée, enfantine, tournant et retournant ses pensées, le cœur transi d'angoisse. Tout à coup, elle ajouta « Je l'ai revu aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est fou. » Son mari la regarda, tressaillit. « Fou ? » répéta-t-il inconsciemment. « Il a perdu la raison, » dit-elle. Cela lui coûtait presque la sienne de prononcer ces mots. Encore un silence. « Il vous a reconnu ?» demanda le mari à voix basse. « Non, » dit-elle. Il la regardait. À la fin, il avait compris la profondeur de l'abîme entre eux. Elle était toujours pelotonnée sur le lit. Il ne pouvait l'approcher. Tout contact entre eux serait sacrilège. Il fallait laisser la chose se passer toute seule. La secousse avait été telle qu'elle les laissait oublieux d'eux-mêmes, oublieux de leur haine. Au bout de quelques minutes, il sortit.